Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ces derniers temps, par le biais des réseaux sociaux, de façon privée, je me suis lancé dans la recherche de certaines personnes que je connaissais auparavant, parmi mes amis, les gens de mon quartier, des membres de ma famille, etc. Et j'ai trouvé pas mal de monde, alhamdulillah ta'ala. Et certains des nouvelles réjouissantes m'ont parvenu d'eux. Certains que j'avais laissés, par exemple, parmi des gens qui étaient affiliés à l'islam, qui ne faisaient pas salat ni rien, qui sont venus faire la salat, qui sont mariés, alhamdulillah. Et d'autres, dans la situation, on va dire, moins réjouissante, moins plaisante. Et après que je me sois enquéri des nouvelles de certains d'entre eux, je fus informé, malheureusement, que parmi eux, certains ont mal tourné, ont pris de mauvaises voies et en sont arrivés à tomber en prison, pour maintes raisons. Et parmi eux, il en est qui, on va dire, s'était converti à l'islam de base, mais il n'y a pas eu le suivi. Al-Asaf. Car ça, le résultat, c'est qu'il rentre en islam et qu'il n'applique pas et qu'il reste dans le milieu dans lequel il a grandi ou autre, il ne s'en sortira pas. Il est manahimahullah. Donc, après avoir pris cela, je me suis dit que ce serait une occasion, une bonne occasion pour une da'wa d'écrire une lettre. Car on sait dans quelle situation se trouvent ces gens lorsqu'ils sont en prison, comme situation de détresse et d'affaiblissement, là où ils feront preuve de plus d'humilité, et où les probabilités de revenir vers Allah Azzawajal sont bien plus fortes. Comme encore l'État Allah, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْبَحْرِ دَعُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ. Lorsqu'ils montent sur le bateau, par peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Allah sincèrement. Donc, lorsque la personne est prise par la peur, la détresse, elle revient vers Allah. Comme encore le Ta'ala, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mu'izati al-hasana wal mu'izati al-hasana wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et ne débat avec eux que de la meilleure manière. Car ton Seigneur est certes plus savant de qui il s'est égaré, et qui sont les bien guidés. Donc, conformément à ce verset, j'ai décidé par la suite, justement, d'écrire cette lettre. Et j'ai consulté parmi mes frères, qui je voyais comme étant parmi les plus raisonnables et réfléchis. Car en me relisant, j'ai trouvé que cette lettre pouvait peut-être apporter profit à d'autres, qui auraient des amis dans la même situation. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il serait bien de faire partager des passages de cette lettre. Je vais enlever les parties qui sont, elles, qui touchent à ma vie personnelle à moi, car il n'y a pas lieu de l'étaler devant vous. Et me baser principalement sur le dialogue que j'ai tourné vers cette personne-là, surtout en ce qui concerne l'islam. Et parmi les fawaïds de cette lettre, c'est qu'elle peut également être donnée à un kafir, à un mécréant de base. Car la personne avec qui à qui s'adresse cette lettre est une personne qui, en réalité, a fait un islam verbal, mais il n'y a pas eu le suivi, donc son hal est comme celui d'une personne qu'on appelle islam de base depuis le début. Bien qu'il ait certaines connaissances, mais probablement qu'il les a déjà oubliées, ou je ne sais pas. Donc par la suite, si des gens veulent profiter de cette lettre, il n'y a pas de souci, la recopier, ou en prendre des paragraphes pour agir de même et envoyer à des gens qui le connaîtraient, cela, je leur autorise, il n'y a pas de souci par rapport à ça, sans avoir besoin de citer de référence. Donc également dans la lettre, j'ai changé des noms afin de garder, on va dire, l'anonymat de ces personnes-là. Le plus important, c'est le message que j'y ai véhiculé en vue de faire en sorte que ces gens-là puissent revenir vers le bien. Aussi, je les appelle mes frères. Là, j'ai lu une lettre, j'en ai écrit plusieurs à d'autres personnes. J'ai cessé en particulier. Mes frères, dans quel but? Du fait que eux se voient musulmans. Que le sujet de la sunna salat, peut-être que c'est pas clair pour eux également, Allahu a'lam, et pour gagner leur cœur. Car parler à une personne qui se dit musulmane avec l'islam, ce n'est plus attirant que de parler avec une personne qui est musulmane et qui en réalité ne l'est pas forcément, ça peut le faire fuir. Dans la situation précise comme celle-ci. Et ce n'est pas dans l'absolu, ce que je dis là. Et ça, c'est une chiette de ma part de l'appeler mon frère. En vue de l'attendrir. Non. فَأَقُولُ فِيهَا مُسْتَعِنًا بِاللَّهِ. Après avoir cité la basmala, j'ai dit assalamu alayk wa rahmatullahi barakatuh. Comment vas-tu? J'ai dernièrement pu retrouver le contact de certaines de nos anciennes connaissances, anciens équipiers. Et parmi ce que j'ai retrouvé, il y a Teddy. Comme j'ai dit, j'ai changé les prénoms. De la rue Saint-Fabien. Et c'est de là, avec tristesse, que j'ai appris que tu étais incarcéré, mais sans que l'on m'informe des motifs exacts, les causes de l'entrée en prison. Tout comme j'ai pu apprendre pour Vincent également, en Belgique, qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un qui était en France, qui est parti dans notre pays, que je ne cite pas également, donc changé, je dis la Belgique, qui est également en prison. De là, je me suis dit qu'il était de ma responsabilité en tant que frère de vous écrire pour prendre de vos nouvelles d'une part, d'autre part pour vous conseiller, en espérant qu'Allah, en espérant d'Allah le Très-Haut qu'il ouvre vos poitrines et vous guide, et guide vos cœurs vers sa lumière, car il est certes l'omnipotent capable de toutes choses. Plus loin, je dis, je me rappelle que tu t'étais converti à l'islam avant moi, et tu me disais que tu souhaitais t'y investir réellement, mais tu n'y arrivais pas, ou plutôt que tu n'arrivais pas à décrocher avec l'ambiance du quartier. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que tu m'avais dit lorsque tu m'avais annoncé mon entrée, lorsque je t'avais affoigné. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que tu m'avais dit lorsque je t'avais annoncé mon entrée en islam. Tu m'as dit que pour toi, j'étais le dernier de notre, on va dire, équipe qui se serait converti, selon toi. Tu pensais plutôt que ça aurait été Stéphane ou plutôt Vincent, mais pas moi. Tout cela pour dire que Allah guide qui il veut. Même des gens que l'on n'aurait pas cru. Cette religion nous a attirés tous, même Michael, qui s'est également converti, ainsi que Vincent, finalement. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi dans les actes pour beaucoup de ceux, pour beaucoup, on va dire, attendez, malheureusement, il n'y a pas eu de suivi dans les actes pour beaucoup, ce qui leur a coûté un retour en arrière ou un abandon total ou quasi pour certains. La principale cause est qu'en changeant de croyance, de conviction, de centre d'intérêt, il est impératif également de changer de mode de vie, d'environnement et de changer ses fréquentations si ces derniers n'acceptent pas de suivre le message après avoir été sagement conseillé. Allah m'a permis de comprendre cela, d'où mon éloignement progressif de toute cette ambiance et ce milieu au point de ne plus du tout en faire partie sans pour autant vous avoir oublié. À un moment, Michael essayait de suivre le rythme avec moi. Et il faisait des efforts. Mais malheureusement, certaines choses l'ont lui aussi ramené en arrière à l'époque. Et depuis, je ne sais pas ce qu'il en est de lui. Je n'ai plus de ses nouvelles. Donc pour moi, toutes ces choses-là étaient finies. L'islam interdit ces choses-là que nous pratiquions auparavant. Non pas pour nous priver de choses que l'on aime, mais pour notre bien. Ces choses nous ont été interdites alors qu'un grand nombre d'entre elles plaisent à notre âme et nous attirent. Mais ce n'est pas tout ce qui nous plaît qui est un bien pour nous. C'est Allah qui nous a créés et c'est lui qui sait ce qui est bon ou mauvais. Comme dans le Coran, Allah dit « وَعَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَشَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. Sourate de la Vache, verset 216. Pour ceux qui voudraient par la suite réécrire s'ils en ont envie. Et les hadiths que je citais par exemple, je ne cite que en français, directement. Sans citer les références. Car cette tête-là, ce n'est pas un talib al-ilm que je parle. Ce n'est pas un étudiant. Il faut que je la rende le plus simple possible. Mais avec un minimum de preuves. Donc je poursuis en disant. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit que le paradis était recouvert par les choses repoussantes, à l'âme, et l'enfer était recouvert par les choses plaisantes, à l'âme. Donc, drogue, l'alcool, ces choses-là, l'ivresse qu'ils occasionnent est jouissante, mais elle nous fait perdre la raison et fait obstacle entre nous et notre Seigneur. Ces choses nous font commettre des actes mauvais envers nous-mêmes, envers autrui, et même envers ceux que nous aimons, ceux que nous regrettons par la suite. Je dis cela parce que la personne à qui je m'adresse était une personne qui était fortement éprouvée par l'alcool. L'alcool avait une emprise très forte sur lui. Dans le Coran, Allah il dit « Innama yuridu shaytan an yuki'a baynakum. Innama yuridu shaytan an yuki'a baynakum al-adawata wal-baghdha'a fil-kham wa maysir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis-salah fal-hantum muntahun. » Shaytan ne veut que jeter parmi vous à travers l'alcool et les jeux de hasard, l'inimitié et la haine, et vous détourner du rappel d'Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin ? Sourate la table servie, verset 91. Ces interdictions pour sagesse de nous mettre dans un cadre et un environnement nous permettant d'accomplir pleinement ce pourquoi nous avons été créés. Et ce qu'Allah attend de nous, qui est de l'unifier dans l'adoration. Dans le Coran, Allah dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Az-Zariyat, verset 56. Voilà le but de notre création, de notre présence sur terre. Et de notre présence sur terre. Si tu demandes aux gens pourquoi ils existent, quasiment personne ne sera en mesure de te répondre correctement. Car il s'agit là d'une chose qui ni ne se devine, ni ne se déduit par la raison. Mais cela ne peut être su que par la révélation venant de celui qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qu'ils contiennent. Tout cela n'a pas été fait en vain. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous n'avons pas créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre les deux, par jeu. Nous ne les avons créés que pour la vérité. Nous ne les avons créés que pour la vérité. Cependant, la plupart ne savent pas. Surat la fumée, verset 38 à 39. Mon frère Thierry, sache qu'Allah, dans sa grande miséricorde et son immense sagesse, a instauré une législation à travers sa religion dans laquelle il nous indique les moyens de pouvoir concrétiser cet objectif. Il y a devant nous un parcours rempli d'obstacles et d'ennemis pour nous éprouver et nous pousser à faire des efforts sur nous-mêmes pour pouvoir les affronter. Car l'aboutissement de tout cela est la mort, puis le repos éternel au paradis avec ses indénombrables et inimaginables délices, pour qui aura cru et œuvré dans le bien. Quant à celui qui se sera détourné, refusé et rebellé face aux ordres de son Seigneur, son aboutissement sera le feu de l'enfer, où il subira ses indénombrables tourments et châtiments. Et j'implore Allah Azzawajal qu'il me préserve ainsi que toi du feu de l'enfer. À savoir qu'il y a des choses qui nous ont été rendues obligatoires, car on ne peut se dire musulman puis ne pas agir ou faire le contraire de ce que dicte notre religion. À l'exemple de quelqu'un qui te dit qu'il est un sportif, alors qu'il passe son temps à dormir et à flâner, et ne fait aucun exercice physique. S'il court 10 mètres à peine, il est déjà essoufflé et s'arrête. Qui le croira ? Là, pour celui qui se dit musulman et ne suit pas l'islam, il en est de même. Tous les prophètes et messagers ont appelé les gens à l'islam. Leur croyance et leur message était le même, mais certaines règles et certains rituels étaient différents en fonction des époques et des communautés. D'abord, il faut savoir que le mot islam en arabe veut dire soumission. Et dans la terminologie religieuse, sa définition est la soumission à Allah par le tawhid, j'y mets entre parenthèses, l'unicité, c'est-à-dire le pur monothéisme. Et, en reprenant la définition, l'assujettissement par son obéissance et le désaveu du shirk, j'y mets entre parenthèses, association dans l'adoration, polythéisme, idolâtrie, d'accord ? C'est-à-dire le désaveu du shirk et de ses gens. Le mot muslim, j'y mets entre parenthèses, les gens disent musulman, mais ce mot n'a aucun sens. Avant qu'ils sachent, lorsque je dis muslim, de quoi je parle, bien qu'il aura compris. Donc le mot muslim signifie soumis. Soumis à qui ? À Allah, notre créateur, en l'unifiant de l'adoration. Le monothéisme est son droit pur sur nous. Les gens ignorent la réelle signification du monothéisme, de son sens. Ils pensent que c'est le fait de ne croire qu'en un seul et unique Dieu. selon leur langage à eux. Alors que cela n'est qu'une partie du monothéisme. Ce dernier consiste en effet à reconnaître cela, mais surtout à agir en conséquence, c'est-à-dire de n'adorer que lui. À titre d'exemple, les chrétiens, Nasara, les chrétiens, disent ne croire qu'en un seul Dieu. Mais ils font des actes d'adoration pour que lui. Ils adorent Isa, c'est-à-dire Jésus, ainsi que sa mère. Ils les invoquent et tournent leurs prières vers eux. Alors que seul Allah est en droit d'être invoqué. Et lui seul nous entend. Il peut nous exaucer et nous répondre. Ou alors, ils disent que Isa, c'est-à-dire Jésus, est Dieu. Et Marie est la mère de Dieu, comme tu le sais. Et cela est de la pure mécréance et du polythéisme. Allah, dans le Coran, à leur sujet, il dit « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ إِلَى أَنْ قَالَ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا الرَّسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Certes, on mécrit ceux qui disent que Allah, c'est le Messie, fils de Mariam, au fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, ainsi que le vôtre. Quiconque associe à Allah, c'est-à-dire d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Après, je suis directement passé à la fin du verset. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Et d'autres messagers sont venus avant lui. Sa mère était une véridique. Tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Dis, allez, vous adorez en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni vous apporter de mal ni de bien. Or, Allah, c'est lui l'audient et l'omniscient. La famille d'Ibran, versets 72 à 76. Donc là, je reprends après. Et le monothéisme consiste aussi à unifier Allah dans ses noms et ses attributs. On ne nomme pas la créature par ses noms, tout comme on ne leur concède pas des attributs divins étant exclusifs à Allah. Alors ceux qui agissent de la sorte, même s'ils prétendent ne croire qu'en l'existence d'un seul Dieu, auront commis du polythéisme. Les gens se trompent en pensant que ce dernier, c'est-à-dire le polythéisme, ne se résume qu'à croire en l'existence de plusieurs divinités, comme le faisaient les Grecs ou les Romains et autres. À partir du moment où on fait un acte d'adoration pour une chose, on l'aura mise au rang de divinité. Et à ce moment-là, on aura commis du shirk, que l'on admette ou pas. Et l'adoration est un mot large d'ensemble qui regroupe tout ce que Allah aime et agrée comme acte apparent ou caché, sentiment et les paroles. Car les gens, dès qu'on leur dit qu'il faut adorer Allah, ils s'imaginent que cela veut dire passer sa vie à la mosquée, à faire la salat en continu, ou de vivre comme les moines dans les monastères. Chose qui n'est pas le cas. On vit comme tout le monde, sauf que notre vie est régie par les règles de l'islam. Et comme on l'a dit précédemment, le mot musulman en arabe veut dire soumis à Allah. Tout comme nos corps et notre métabolisme sont soumis à ses lois physiques et universelles, nous devons de soumettre nos âmes à ces lois législatives et religieuses, mais par notre propre initiative. Donc tout acte de bien que l'on fait en mettant l'attention de plaire à Allah devient une adoration. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par les intentions. Et c'est bien d'une créature ce que seul Allah peut accorder. Craindre une créature pour ce que seul Allah peut nous faire subir, comme par exemple la croyance au porte-bonheur, au porte-malheur, au gris-gris, au fétiche et autres superstitions, j'y mets entre parenthèses, et placer la confiance en une chose que seul Allah peut nous octroyer, comme le font la plupart des gens, tout cela est du shirk, c'est-à-dire polythéisme. Pour lui faire comprendre, le tawhid et le shirk, brièvement. Et à côté de cela, il y a des actes d'adoration, des membres, qui nous sont rendus obligatoires, comme les cinq piliers de l'islam, ou tout ce qui est cité dans le Coran, qui nous a été ordonné par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna authentique, sa tradition authentique. Je ne doute pas un instant que tu as déjà pris conscience de cela, et que tu souhaites t'améliorer comme nous tous. Tu me le disais déjà auparavant, par rapport à ta fille, par rapport à l'amour que tu avais en toi pour l'islam. Même si nous n'étions pas forcément les meilleurs amis du monde, je n'ai pas connu de toi de la méchanceté. Je me rappelle de toi comme une personne agréable et pleine de vie. Je ne me rappelle que de moments agréables en ta compagnie. J'y mets entre parenthèses, c'est-à-dire avant de connaître le jugement de l'islam. Les choses qu'on faisait qui n'étaient pas licites, mais on ne le savait pas, mais à cette époque-là, les moments que j'ai passés avec lui, c'était des moments agréables. C'est une réalité. Personne d'entre nous n'est parfait. Et Allah ne nous a pas créé pour l'être, c'est-à-dire pour être parfait. Ce qui n'excuse pas nos fautes si nous persistons dessus volontairement sans nous repentir. Mon frère Thierry, il faut que tu prennes le bon côté de cette épreuve, aussi amère et difficile soit-elle. Il est possible que Allah t'ait voulu du bien en t'isolant du monde et de ses tentations pour te permettre de revenir vers lui en t'éloignant de toutes ces choses qui n'apportent aucun bien. Énormément de gens se sont réformés et ont accepté l'islam en prison. Et bien que tu aies commis bien des fautes, comme nous tous, la porte du repentir reste grande ouverte. Et il ne faut pas désespérer et penser que les issues te sont fermées et que ce n'est pas pour toi, que tu ne pourras pas, que tu n'es pas assez bien, car probablement que tu t'imagines qu'il faut d'abord tout arrêter pour ensuite rentrer en religion. Ne crois pas cela. Même moi, je le pensais. Et cela vient de Shaitan qui nous insuffle ses fausses idées pour nous empêcher de nous rapprocher d'Allah. Il faut que tu considères le suivi de l'islam en lui-même comme une douche purificatrice. On n'attend pas d'être propre pour entrer sous la douche, mais justement, c'est la douche qui nous nettoiera. Il fut rapporté dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que des gens mécréants avaient commis beaucoup de délits sur terre. Ils faisaient du shirk, ils commettaient des meurtres, ils forniquaient avec plein de femmes. Puis lorsqu'ils ont vu le prophète, alayhi sallam, ils lui ont dit « Ce à quoi tu appelles est un bien. Est-ce qu'il existe un moyen que nos fautes soient expiées ?» Et de là, Allah a fait descendre le verset « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, il est le pardonneur et le très miséricordieux. Verset, ou plutôt sourate l'ornement, verset 53. Et il dit également, Subhana, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit dans l'adoration, mais il pardonne à qui il veut en dehors de cela. Sourate les femmes, verset 48. Allah peut tout pardonner à celui qui se repent et demande sincèrement pardon, sauf s'il meurt sur le shirk et la mécréance après sa mort. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a dit, c'est-à-dire juste par là un hadith qudsi, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères de moi, je te pardonnerai ce que tu as commis sans me soucier. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignent le sommet des cieux, puis que tu me donnes pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec l'équivalent du contenu de la terre en péché, puis que tu me rencontres sans rien m'associer, je te viendrai avec l'équivalent de son contenu en pardon. Mais ces promesses de pardon après la mort et cette miséricorde ne sont valables que pour les croyants qui, malgré leur grand nombre de péchés, œuvraient, faisaient la salate. Et pour que le repentir du vivant soit accepté auprès d'Allah, il y a des conditions. Il faut que le serviteur regrette sincèrement sa faute, qu'il cesse immédiatement et qu'il soit déterminé à ne plus recommencer. Et si le mal qu'il a commis touche aux droits d'une personne, alors il doit s'excuser et la dédommager pleinement et assumer l'erreur. Et s'il venait à recommencer après tout cela, et qu'il se repent encore, Allah lui pardonnera encore et encore également. Allah, il aime de nous que nous repentions et que nous le demandions pardon. Et parmi les choses qui aident à délaisser les choses interdites, dont nous sommes devenus dépendants en premier lieu, il est le désir réel de vouloir arrêter et de faire le premier pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que Allah azza wa jal, il a dit « Si mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. » S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en accourant. C'est-à-dire, j'ai mis ce hadith-là pour lui montrer qu'il faut faire le premier pas et que le reste sera facilité par la suite. Je poursuis en disant, il faut chercher de l'aide auprès d'Allah, c'est-à-dire pour se délier de ces choses-là, dont on est dépendant et qui nous font du mal. Et là, juste principalement pour lui, la drogue et l'alcool. Il faut rechercher de l'aide auprès d'Allah pour ça, en l'invoquant, qu'il nous aide à nous libérer de notre dépendance et de nos démons, car il est capable de toutes choses, et c'est lui qui accorde la réussite à ses serviteurs. Crois-moi, mon frère Thierry, tout cela est réalisable avec l'aide d'Allah. Beaucoup de gens étaient bien pires et ont réussi à aller de l'avant et à se ranger dans la religion. Puis ont pu refaire leur vie, se marier fonder des familles. J'ai pu moi rencontrer ici, au Yémen, ce que je l'expliquais au début de ma lettre, ma hijra au Yémen, vite fait. Et les causes, je lui ai dit, j'ai pu rencontrer ici, par exemple, des frères américains. J'ai parlé des Américains parce que souvent c'était nos références auparavant, et on connaît leur mode de vie qui est assez violent. Donc je dis cela en guise d'exemple. Des frères américains ont passé sulfureux, rue, prison, gang et autres, et pourtant ils ont pu se ressaisir et se réformer. Nous ne devons jamais oublier que la mort peut nous frapper à tout moment, sans que l'on s'y attende. Dans quel état serons-nous lorsque l'ange de la mort viendra arracher notre âme? Et que répondrons-nous à Allah Azza wa Jal lorsqu'il nous jugera et nous demandera des comptes sur tous nos actes, petits comme grands? Ceci est un rappel et un conseil pour moi-même en premier lieu, ainsi que pour toi, mon frère, ne souhaitant en cela pour toi que ton bien. Et je suis persuadé que tu y crois, mais je sais que la difficulté demeure dans la mise en pratique. En espérant avoir de toi un retour, si tu veux me parler, me contacter à la sortie, c'est-à-dire de prison, ou avant, si tu veux, sache que mes portes te sont grandes ouvertes. Sache que mes portes te sont grandes ouvertes. Et là, j'y ai mis mes coordonnées. Non. Je demande à Allah le Très-Haut qu'il nous guide et qu'il nous accorde la réussite en ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'il fasse de nous ses serviteurs sincères et dévots dans leurs croyances, paroles et actes, et je lui demande qu'il te soulage de ton affliction pour t'accorder de sa lumière et te guider vers elle. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En traduisant par en dessous, que les éloges d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, en datant et en signant. Et donc de là s'achève cette lettre qui s'est étalée sur à peu près 8 pages, assez longues. Il y a des passages que je n'ai pas cités ici, vu que je n'aurai pas l'intérêt par rapport aux auditeurs, c'est personnel. Donc voilà, donc j'encourage toute personne qui ait connaissance de gens en prison, de gens en situation difficile, parmi les koufars ou les musulmans qui soient faibles, très faibles, de les conseiller avec douceur, de leur faire le rappel, tout en citant les menaces et en citant les récompenses qui les attendent, car cela peut être un grand bien. Et des fois on ne sait pas, on indique à une personne la voie du bien comme on peut, et c'est une autre personne à qui on n'a pas fait attention qui finalement en tire profit. Cela est déjà arrivé, on a fait darwa à des gens, d'autres personnes écoutées à côté, et ce sont elles qui, au final, ont agi et ont été, alhamdoulilah, qui ont été touchées par les paroles. Donc ne jamais négliger le moindre bien. Si tu ne vois pas sur 10, peut-être que un que tu n'as pas vu, cela aura effet sur lui. هذا الذي أردنا اليوم وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك